J'ai vu des traits, j'ai vu des folles traîner par là. Faut que je m'envole, tout si la pète. Trop de frères en tôle, on veut le pactole. Faut pas changer, faut rester le même. On est tous conscients des vies qu'on mène. Faut pas changer, faut rester le même. Doré de platine, doré de platine, doré de platine. Ah, je suis sous l'eau, ah, tu me saoules. Je sais pas pourquoi je vois ta tête quand je me saoule. Ah, je suis sous l'eau, ah, tu me saoules. Je sais pas pourquoi je vois ta tête quand je me saoule. Ah, les douleurs, ah, les rumeurs. J'en ai des sueurs, ça te juge à ta couleur. La route est longue, faut pas jeter les bons jeux. Ah, que j'entends des mensonges. J'entends le matin, hôtel, mon pote me dit attends. Me dit en cellule, je mets du lafond. Me dit y'a rien à faire là-dedans. Je fais des rêves et je me vois loin d'ici. J'arrive plus à partir, mais faut que je me décide. Je me vois dans les îles, j'entends le bruit des vagues, c'est bien, tout est paisible. Faut que je résiste, faut que je me batte. Cette life est triste, ils veulent te voir abattre. Me fais pas la bise, t'as choisi ton camp, frère. J'ai vu, t'as du vice, je croyais que j'étais ton frère. J'ai vu des potes, j'ai vu des traits, j'ai vu des folles traîner par là. Faut que je m'envole, tout si cela pète. Trop de frères en tôle, on veut le pactole. Faut pas changer, faut rester le même. On est tous conscients des vies qu'on mène. Faut pas changer, faut rester le même. Doré de platine, doré de platine, doré de platine. Les bois cassent les campus, c'est dans ma zone, zone, zone. On a trop fait, on veut la somme, somme. Celle qui touche mon cœur, je la somme, somme, somme. Viens, teste-moi, dis-moi, cela donne, donne, donne, donne, donne. Donc je m'évade, oh, oh, ça y est, j'ai tourné la page, oh, oh. Même si tu vois, je vise, oh, oh, sans jouer le vito, oh, oh. Donc je m'évade, oh, oh, ça y est, j'ai tourné la page, oh, oh. Même si tu vois, je vise, oh, oh, sans jouer le vito, oh, oh. Mes larmes s'envolent quand je suis en moto. Si tu vois que je t'entends plus, c'est que t'as la boco. Ça sort de pair, me prépare le cortège, tous armés dans l'auto. Avec la quête posée dans mon ghetto. On veut tous les fesses à Claudia San Pedro. Mais nous du rosé, du San Pellegrino. Fais pas chauffer devant les gens, on n'est pas des millions. J'ai vu des potes, j'ai vu des traits, j'ai vu des folles traîner par là. Faut que je m'envole, tout si cela pète. Trop de frères en tôle, on veut le pactole. Faut pas changer, faut rester le même. On est tous conscients des vies qu'on mène. Faut pas changer, faut rester le même. Doré de platine, doré de platine, doré de platine. Les bois cassent les campus, c'est dans ma zone, zone, zone. On a trop fait, on veut la somme, somme, somme. Celle qui touche mon cœur, je la somme, somme, somme. Viens, teste-moi. Dis-moi cela donne, donne, donne. J'ai vu des potes, j'ai vu des traites, j'ai vu des folles traîner par là. Faut que je m'envole, tout si cela pète. Trop de frères en tôle, on veut le pactole. Faut pas changer, faut rester le même. On est tous conscients des vies qu'on mène. Faut pas changer, faut rester le même. Doré de platine, doré de platine, doré de platine. J'ai vu des potes, j'ai vu des traites, j'ai vu des folles traîner par là. Faut que je m'envole, tout si cela pète. Trop de frères en tôle, on veut le pactole. Faut pas changer, faut rester le même. On est tous conscients des vies qu'on mène. Faut pas changer. Faut rester le même, doré de platine, doré de platine, doré de platine. Les bois cassent les campus, c'est dans ma zone, zone, zone. On a trop fait, on veut la somme, somme, somme. Celle qui touche mon cœur, je la somme, somme, somme. Viens, teste-moi, dis-moi, cela donne, donne, donne, donne, donne.